Page 103. Activité 5. Piste 95. Les mois de l'année. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre.